Chapitre 25e, pour tuer la mort. En reculant, en s'éloignant de la tête de mort qui était en face de lui, à l'autre bout de la salle, le général rencontra, en raclant le mur avec l'épaule, un commutateur. À tout hasard, il le tourna. La salle des armures aussitôt s'éclaira, et les têtes de mort disparurent en même temps aux yeux d'Ossip à ceux du général. Alors les deux hommes, tout tremblants, se regardèrent. Ossip était toujours Ossip. Le général, toujours le général. Dans la salle, rien de changé. Pas la moindre trace du séjour de ces têtes de mort fantastiques. Le général parla le premier. « Ah, tu es là. Ossip, tu es là ? Oui, mon général. Tu n'as pu voir alors cette chose horrible. Il y avait, là, là où tu es en ce moment, une tête de mort lumineuse, qui me regardait, qui semblait me voir, qui me parlait. » Ossip répondit. « De mon côté, mon général, j'ai vu là, là où vous êtes, moi aussi, j'ai vu une tête de mort briller qui me regardait et me parlait. » Le général tressaillit. « De mon côté, là où je suis ? Oui, mon général. » Instinctivement, le général se tourna vers le mur, il regarda, avec la main, il chercha. Il ne trouva rien. Ossip, de son côté, fit de même sans plus de résultat. Alors le général eut une idée. « Donne-moi les gros pistolets, » dit-il à Ossip. Quand celui-ci les eut rapportés. « Maintenant, reste là, près de moi, pour que je ne te blesse pas par ricochet. Tiens-toi derrière. Si les morts reviennent, je leur loge une balle dans la face, et nous verrons, » il ajouta. « Le meilleur moyen, » a dit Paulin Broquet, « pour se délivrer des gens de l'au-delà, c'est d'agir avec eux comme avec les habitants naturels de ce bas-monde. Tu l'as vu, le moyen nous a réussi pour l'inscription de la croisée. Un bon coup de pistolet, et tu sais que jamais ma balle n'est perdue, un bon coup de pistolet nous débarrassera de ces morts. » Riant encore, il ajouta, « Ce sont peut-être ceux-là, de ces morts qu'il faut qu'on tue. » Il regarda bien si les pistolets étaient chargés, vérifia le jeu des chiens, et une arme dans chaque main, il commanda, « Éteins la lumière !» À peine la nuit fut-elle faite que de nouveau les têtes de mort apparurent à l'autre bout de la salle. Elles bougeaient, semblaient danser, s'agitaient, vivaient en quelque sorte comme tout à l'heure. Cette fois, le général et Ossip, se tenant l'un contre l'autre, se sentaient plus forts. Ils avaient moins peur. Ils ne crièrent plus à la mort. « Tu les vois ? » fit le général. « Tu les vois, toi aussi, les têtes de mort ? » ?»« Oui, mon général. »« Eh bien, regarde, je vais les abattre. » Deux coups de feu retentirent. Les têtes de mort, en effet, disparurent comme par enchantement, avec un bruit de vitres cassées, de débris de glace qui tombent à terre. « Lumière, brute !» commanda le général. Aussitôt tourna le commutateur qu'il gardait dans sa main tremblante. Alors, le général vit qu'il avait tiré dans la grande glace, qui à l'autre bout de la pièce surmontait la cheminée. Et très anxieux, le général, devant cela, dit à son intendant, « Ce n'est pas les morts que j'ai tués, c'est seulement leur image que j'ai brisée. » Ossip s'était mis à trembler. La peur lui donna une inspiration. « Mon général, puisque les morts ne viennent pas quand il y a de la lumière, si nous gardions la lumière jusqu'au jour. Ossip, tu as raison. Allume tout alors, pour que nous puissions dormir. » Le moyen réussit, car l'heure où le général prenait son premier verre de vodka était depuis longtemps passée, que tous deux, maître et intendant, l'un sur son lit de camp, l'autre sur le parquet, dormaient encore, comme si jamais habitants de l'au-delà n'avaient joué un rôle fâcheux dans leur existence. Cependant, le général envoya quérir Paulin Broquet. C'était trop grave. Cela trop inattendu, trop fantastique, pour que le détective ne vînt pas lui-même aussitôt. Paulin Broquet, en effet, accourut à l'hôtel du général. Cette nouvelle manifestation de l'au-delà l'intéressait au plus haut point. Pas une seconde, cela va sans dire, il ne crut à l'intervention miraculeuse des esprits, et tout de suite il comprit que sous ces têtes de mort se trouvaient des vivants. Ce qu'il voulait savoir, c'était le moyen employé pour produire cet effet d'angoisse, obtenir un tel résultat de terreur. Il alla ramasser les morceaux de carreaux brisés, les aligna sur un plateau et rentra dans la salle des armures. Il fit de même pour les morceaux de la glace brisée par les coups de pistolet. Alors, il demanda qu'on le conduisît dans la chambre la plus obscure de la maison, le coin le plus sombre où il pourrait trouver la nuit.